Exploité par l'oligarchie, le peuple a peur. Enchaîné dans sa propre liberté, le peuple pleure. Répression, oppression, tolérance zéro, chaos. La police fait mal, la garde à vue persécute, la garde à vue tue. Alors que veux-tu? Notre pays va mal. Dictature, république, sujet, bavure, statistique. Les patelins, l'anarchie fleurissent les égouts de la France. Ils sont assaillis, figés, endormis, comme des petits volcans prêts à exploser. Mais Dieu est grand. Alors dormez, petit volcan, dormez. Le jour approche, bientôt vous vous réveillerez. Quand je pense à Omar Atta et Patrick Dils, je me dis que la justice est une balance qui trouve rarement son équilibre, je l'ai dit. Mais dans cette politique, a besoin de lifting. Ma liberté, elle est bleue de Rodney King. Ici les petits voient bleu. Depuis que les matadors visent la tête, deviennent des bêtes depuis qu'on les empêche de sortir de l'enclos. Tous en tête, j'ai le trésor public. Car une casquette sur le crâne attire les roses copées qu'on crâne. Ici les civières sont des bancs publics. Ils répondent à nos SOS avec des cartes de CRS. Faut que je t'explique, je m'en tape moi de ta plaque. J'ai des tas de packs, de soucis aux pieds. Mon alcotest familial est pété. Y'a aucune parano dans mes propos. T'en as rien à foutre si j'ai un cadavre dans le coffre. Tu veux un peu de popo? T'as beau mettre les mains sur le capot, faut que je me venge. Ici un brassard noir pour un brassard orange. J'suis pas là pour faire de la démago. Beaucoup de flics font bien leur taf, mais d'autres mettent nos blocs sous embargo. Au lieu de nous traquer pour des bouts de shit, essaie de comprendre pourquoi notre haine crie. Les bidis changent. Une paire kills de plus aux appartements du monde. Voilà les justiciers, les gars, on est sous écoute chaque seconde. Y'a les juifs. Y'a les juifs. Ceux qui débarquent dans nos blocs avec leurs plaques, se sentent fort. Habille au mec des blocs, t'es bien dans le 15. Appelle les renforts. Y'a les juifs. T'as rendu compte qu'on peut pas avoir un dialogue, que l'insigne a pris le dessus sur ta personne, que même les innocents te détestent, qu'on te souhaite la mort à chaque cage d'escalier, et qu'après la pensée à le geste, ne prends pas ses paroles comme une vulgaire mode. C'est sérieux, les rapports de force n'a jamais calmé aucun nerveux. T'as rendu compte, hier encore vous avez tabassé un attardé, un contrôle de papier vous a changé en monstre. C'est pas une morale, mieux que ça soit ton enfant qui te la fasse. Ton pare-balles ne pourra rien contre ses phrases, quand il te dira que la butte ton pouvoir va te perdre, que tu es pas un héros et qu'il y a plus fou que toi dans le barrio, hein. Tu veux quoi? Que ça aille plus loin que des regards et des pierres, que vos cartes deviennent des chars, qu'y'a que la chair comme étendard. Je sens pas cher. Tu veux qu'on néglige père et mère, qu'on s'arme, qu'on trace une putain de ligne et que ça devienne mes délits. Tu veux une pile à la place du cœur, qu'on te prenne pour un cyborg qui fait sa ronde en humeur. Sors pas ta plaque, je donne pas de prénom. Alors la jungle ici m'oublie, je sais que ça bouillonne, je réagis. Une paire kills de plus aux appartements du monde. Voilà les justiciers, les gars, on les sous écoute chaque seconde. Y'a les juifs. Y'a les juifs. Ceux qui débarquent dans nos blocs avec leurs plaques se sentent fort. Habille au mec des blocs, t'es bien dans le 15. Appelle les renforts. Y'a les juifs. Oh, bonsoir messieurs là, sur le côté s'il vous plaît. Sur le côté, sur le côté. Ah Jeanne, coupe le contact. Allez, sors les papiers, dépêche-toi. Les papiers. Tiens, les papiers du véhicule. Vas-y, bouge-toi. Hop, voilà. Oh, merci. Ouais, carte grise, assurance, passe-moi l'assurance, Jean. Vérifie bien l'assurance, hein, parce qu'il s'est jamais en règle. Hein. Oh, toi, ramène pas, reste tranquille. Vous êtes du plan down? Ouais, qu'est-ce que vous faites dans la ville, Jean? Artiste, t'as-tu dire, tu fais quoi? Artiste, c'est quoi? Artiste peintre, c'est quoi? Je fais quoi? Ah, musique, rap? Du rap, ah. Plan down? Plan down, c'est le cas de la rime, ça. Bac Nord, tu aimes pas trop la Bac Nord, non? Parce que dans la rime, le mec pas trop d'accord avec la Bac Nord, en gros. Ah, tu fais moins le malin, là, maintenant. Tiens, on va voir si tu fais autant le malin. T'es canard, là. Eh Navarro, avoue que pour toi, ma place n'est que derrière les barreaux. Tu es courtois, que quand tu me lis mes droits. Si je dois être fouillé, envoie Julie Lesco. Elle au moins me fout le barreau. Et ça m'aidera à tenir le poireau. Pourquoi les jeunes lèvent leur troisième doigt? C'est peut-être que Marianne est en train de mouiller la garo entre les doigts. Dites aux gendarmes, et qu'ils ont le corps, mais surtout le cerveau à Vandamme. À vous de voir, c'est vous qui avez la loi au bout de votre flingue. Vu que vos bavures deviennent des procédures, nous de vive voix, on représente tous ces gens bilingue. Ces immigrés qui font face à vos procès. Jure de ne pas rester en file indienne sur ces murs. Cowboy, vu que tu tires plus vite que ton homme. Cowboy, des super-héros. Et un acte dans les BD. Et dans vos poulaillers, y'a que des. Une paire kills de plus aux appartements du monde. Voilà les justiciers, les gars, on les sous écoute chaque seconde. Y'a les juifs. Y'a les juifs. Ceux qui débarquent dans nos blocs avec leurs plaques se sentent fort. Habille au mec des blocs, t'es bien dans le 15. Appelle les renforts. Y'a les schmicks. Si y'a les schmicks. pas ce morceau pour une menace, mais plutôt pour une alerte. Si tout va mal, c'est que t'es peut-être le cœur de nos malaises. Comprends, comprends, comprends que ça va mal dans la tête d'un jeune.